是狮子粉丝。 Ah, je sais pas comment, je sais pas qu'est-ce que je fais. Je sais pas comment ça fait ça. Ah, ça fait chier, Ross. Je sais pas comment je m'y prends. Des fois, j'enregistre une première track, je fais une autre, mais j'entends pas la première. Ou ben non, je l'efface. J'ai pas le plan de match.